C'était le 47e mérite sportif régional qui se déroulait à Saint-Nazaire hier et on va vous parler des récipiendaires pour le secteur et également les meilleurs athlètes. Donc l'athlète au niveau international, la bourse Roger Tremblay a été décernée à Antoine Bouchard. L'athlète au niveau national, c'est Catherine Fleury. Au niveau provincial, Anne-Pascale Ouellette. Et l'athlète au niveau régional, c'est Elisabeth Tremblay. Maintenant, on va parler de la meilleure haltérophile, elle est de Normandin, c'est Annie-Kim Tremblay. Et la meilleure patineuse est Marianne Saint-Gelais. Donc, ça se déroulait hier à Saint-Nazaire. Ligue de hockey simple lettre, il y avait des matchs qui pouvaient nous intéresser dans les différentes ligues. D'abord, à noter qu'en catégorie atome, victoire de Massouillage 6-0 contre les Condors d'Alma. Et les Aiglons d'Alma ont défait les Éperviers de Normandin 5-3. Dans le midget, les Sénateurs de Saint-Félicien ont gagné 2-1 contre les Griffons d'Alma. Dans le Pee-Wee, les Hurricanes de Massouillage ont défait les Éperviers de Normandin 4-1. Et Massouillage a gagné 5-1 sur les Tritons d'Alma. Et dans le Pee-Wee Bay, gain des Sénateurs de Saint-Félicien 1-0 sur les Cerbères d'Alma. Évidemment, beaucoup de football, là, on va vous parler maintenant, c'est des différents bols d'or. Et on sait que la polyvalente de Wilbur Dufour d'Alma sera au bol d'or en fin de semaine. C'est les Lynx d'Alma qui vont affronter l'équipe de Lachine. Ça aura lieu samedi soir à 19h. On a parlé avec Patrice Boudreau et Patrice Boudreau nous parle de cette équipe. Là, ça va être un match qui peut prendre de différentes tournures. C'est une équipe qui est extrêmement talentueuse. L'autre côté, c'est une équipe qui était en division 1 l'an passé, qui est descendue en division 2 parce que l'équipe avait une présence de joueurs de 18 ans, ce qu'on appelle les joueurs G6. Ils en ont 16 dans l'équipe, donc on s'attend à une équipe très mature. Sur les films de match, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Ça va être un gros défi pour nous. Et Patrice Boudreau nous parle de l'équipe de la Chine et les forces de cette formation. Une équipe qui compte sur des joueurs extrêmement, ce qu'on appelle en langage de football, les skill positions. Okay. Ils sont très forts aux positions de porteurs de ballon, de carrière, de demi-défensif. Ils ont des gros bonhommes extrêmement rapides. Et ils vont courir la balle beaucoup offensivement. Défensivement, c'est une équipe qui va au ballon. Les gars sont très rapides, vont au ballon. Ils ne jouent pas nécessairement d'une bonne structure, mais athlète pour athlète, sont très forts. Vraiment, l'équipe du Cégep de Jonquière, qui compte beaucoup de joueurs de la région, qui seront présents dans un des bols d'or. Et on a parlé avec François Laberge, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe, et il nous parle de cet affrontement. Ils font vraiment une excellente équipe de football. Eux aussi sont invaincus, donc ils n'ont pas connu la défaite en 10 matchs. C'est une attaque très explosive, beaucoup de bons athlètes, des bons receveurs, un corps arrière qui est capable de courir et qui est capable de bien lancer le ballon. Des bons porteurs de ballon aussi avec des belles qualités athlétiques. Défensivement, c'est une défensive qui a des gros bonhommes, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse. Là. Les demi-défensifs, les secondaires couvrent beaucoup de terrain. Donc, ça va être important de jouer notre meilleur match de l'année là, pour aller gagner. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Serge Bouchard, l'instructeur-chef des Faucons Barrettes de Chibougamau. Également, je me suis entretenu aussi avec Jason La Jeunesse des Sabres de Robertval et Hugo Maltais vient nous parler du hockey mineur à Robertval. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.